Cours numéro 41. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه 40e chapitre في ذكر إباحة جمع المال أي le fait de gagner de l'argent de faire des économies de mettre de l'argent de côté c'est permis للقائم بحقوقه bien sûr celui qui donne حق هذا المال لا زكاة اكسترا قال الله عز وجل في الكتاب الكريم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ce verset nous prouve أن avoir de l'argent c'est permis bien sûr et le dépenser في سبيل الله فسي من أعظم القربة C'est une adoration très très bénéfique pour le mu'min. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً S'ils ont de l'argent à dépenser, c'est qu'ils ont gagné de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut faire des efforts. Donc, gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, il n'y a aucun problème. لَكِنْ on ne doit pas oublier حَقَ هَذَا الْمَنْ فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ dans l'autre verset, من سورة التوبة وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وينفقون ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظروا la différence. Le premier cas, Allah عز وجل قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي ils n'ont rien à craindre, ils ne seront pas tristes, et ils ne seront pas châtiés. بل ils auront une énorme récompense. فلهم أجرهم عند ربهم. Allah سبحانه وتعالى les récompensera. Pour ceux qui ont gagné de l'argent, ils l'ont dépensé في سبيل الله. La deuxième catégorie, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةِ يَكْنِزُونَ, ça vient du mot كَنْز. Le كَنْز, c'est... Ils traduisent par un trésor. Et on a al-murad, c'est le fait de garder cet argent, de le cacher comme un trésor. وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Et ils ne donnent pas le haq de هذا المال. Ils ne donnent pas le haq, le fuqara, le zakat, les reproches, فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا شَيْ هَؤُلَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ annonce-leur un châtiment douloureux. Enfin, ces deux versets ils montrent clairement cette mas'ala. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah dans son tafsir concernant le deuxième verset min sourate at-tawbah wa hadha huwa al-kanz al-muharram. C'est ça al-kanz al-muharram, le fait de mettre de côté de cette manière c'est muharram. قال أن يمنعها عن النفقة الواجبة كأن يمنع الزكاة. Il met de côté. Il met de côté un an, deux ans, trois ans. Il sort jamais la zakat. Alors que chaque année, il a assez d'argent. Il a assez d'argent. Et cet argent, la zakat, elle doit être sortie obligatoirement. Et où il ne sort rien. هذا لا شك أنه il s'expose au châtiment d'Allah عز وجل. قال كأن يمنع الزكاة والنفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت نعم كذلك il a une responsabilité il a une épouse il a des enfants ils ont des حقوق nourriture vêtements logement etc il a de l'argent et البخل l'avarice elle le pousse à ne pas donner حق هؤلاء هذا لا شك أنه كذلك c'est une cause de châtiment قال ابن حبان رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين ابن بنت الحسن بن عيسى ابن ماسرجس قال حدثنا جدي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح الحديث il est صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه il a été rapporté par البخاري dans الأدب المفرد et par l'imam Ahmed et d'autres نعم المال الصالح للرجل الصالح le fait que un homme pieux il a de l'argent halal c'est une نعمة vous avez remarqué les deux conditions que l'argent il soit halal et كذلك que Cet homme, vu que c'est un homme pieux, il donnera le haq de cet argent. Az-zakat et les obligations qui sont liées à cet argent. Fi hadha al-hal, c'est une ni'ma. Li'anna avec de l'argent, si tu crains Allah Azza wa Jal, tu pourras faire énormément de khayr. aider les pauvres, les orphelins, donner la zakat, faire le hajj, faire l'umra, etc. Faire plaisir à tes enfants. Et comme une manœuvre. Construire un masjid, énormément de bonnes actions qu'on peut faire avec l'argent. قال أبو حاتم رحمه الله هذا الخبر يصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل القائم فيه بحقوقه. Avec cette condition, c'est permis de gagner de l'argent, de mettre l'argent de côté, d'économiser, لكن en respectant les حقوق de chacun. S'il faut sortir la zakat, il faut sortir la zakat. قال لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيان واضح لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه. Donc ça c'est la première condition. أن لا يكون بمحرم على جامعه. قال ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه. Donc il faut que cet argent tu le gagnes من الحلال. أما si c'est من الحرام فcest que des soucis et des regrets pour toi. Et même s'il est gagné de façon halal, كذلك, il faut donner le haq à ceux qui méritent. مثلاً, la zakat pour les pauvres. قال رحمه الله وأخبرنا محمد بن سليمان ابن فارس قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عباد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يحدث عن حكيم ابن قيس ابن عاصم عن أبيه أنه أوصى بني عند موته فقال عليكم بالمال واصطناعه فإنه من بهة نعم من بهة للكريم عليكم بالمال واصطناعه أي فتلكوز. فهذا الإمام إلى كنسي سيزنفان عليكم بالمال واصطناعي فالديكوز بو غاني دو لارجون فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. لماذا؟ لأن avec de l'argent vous allez pouvoir faire énormément de bien. كذلك يستغنى به عن اللئيم. كذلك vous n'avez pas besoin de vous rabaisser, de tendre la main. ربما certaines personnes ils en profiteront pour vous faire du mal ou vous accuser ou autre. Et كذلك c'est un rabaissement tout court. قال وإياكم ومسألة الناس. Faites attention. لأن faire des efforts dans une chose, ثم ne pas faire les causes pour gagner de l'argent, ثم tendre la main auprès des autres, فهذا c'est من الذل. Et on avait vu un chapitre sur المسألة dans ce livre qu'on répétera pas. Ici, on a déjà traité ce sujet كثيراً. Enfin, celui qui a besoin d'argent, qu'il fasse des efforts. Et on a tous besoin d'argent. Qu'il s'en dépasse les limites, chaque chose à sa place. Il y en a un imam, quand il a fait ce conseil à ses enfants, ça ne veut pas dire donner du matin au soir, jour et nuit, et donner aucune part de son temps à la science, à la mise en application. Ça, c'est une voyeur, ça, c'est une énorme fitna. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Likulli ummatin fitna wa fitnat ummatil mal » Chaque umma a eu sa fitna. Et la fitna de la umma du prophète Mohammed, c'est le mal, c'est l'argent. Enfin, fais attention. Lakin, bien sûr que tu auras des besoins. Khasatan en tant que responsable. Un logement, peut-être que tu dois payer un loyer, de la nourriture, des vêtements, se soigner, encore plus si tu as une famille. Bien sûr, tu fais des efforts. C'est un jihad azim, c'est une ibad. Si tu as l'intention de te préserver, de préserver ta famille, de ne pas tendre la main auprès des autres, c'est une ibadah azim. Et faites attention de ne pas croire que ça s'oppose à l'étude de la science ou aux efforts dans le din. Abadan. As-sahaba radiyallahu anhum. Wa ma adraka ma as-sahaba. Le niveau qu'ils ont atteint. Kathir minhum, ils travaillaient. Fil aswaq, dans les marchés. Ou dans le mazari', dans leur champ. Certains c'était des agriculteurs, d'autres des commerçants, d'autres... Et alhamdoulillah, et ils n'ont pas négligé abadan le côté ilm et din. Bel jaa fi al hadith anna Umar radiyallahu ta'ala an il allait un jour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un jour il s'occupait de al mazra'a avec un autre compagnon. Il faisait un jour ça montre qu'ils ne négligeaient pas. Les hommes, ils avaient besoin de travailler, quand ils ont fait le hijra, ils sont arrivés à Médine et ils ont tout délaissé à Mecca. Et en même temps, bien sûr, ils donnaient le temps pour apprendre la science et pour accompagner le prophète, alayhi salatu wassalam. Fahakadha nahnu. Tu peux travailler, mathalan, le matin, alhamdulillah, tu te reposes, et l'après-midi, le soir, tu peux donner énormément de temps à la science, à ta famille, etc. Tu peux travailler le week-end, sans négliger les efforts, tu peux travailler plutôt la semaine, sans négliger les efforts, même la semaine. Thumma, le week-end, tu as encore plus de temps et tu fais un peu plus d'efforts. Wa hakada. Ya ikhwan, al-mas'ala, c'est pas al-mas'ala de travailler. Ça ressemble kadalik au mariage. Le bar, il pense à Naoum, s'il se marie, tu peux plus étudier l'ilm. Ça n'a rien à voir avec hada. Celui qui est motivé et celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé, il lui a fait aimer la science, il peut travailler toute la semaine et avoir quatre femmes. Il aura du temps pour l'ilm. Limada li anna, c'est l'envie et tawfiq min Allah azza wa jall. Tu peux trouver wahid, il est célibataire, il a aucune responsabilité, il travaille pas et il arrive pas à lire une page. Limada li anna Allah il l'a pas wafaq, pour certaines raisons. Donc on doit pas comprendre les choses de la mauvaise manière. Et Ibn Hibban rahimahullah, dans ce chapitre, il va citer plein de points bénéfiques qui vont nous éclaircir encore plus. قال وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل كما تقدم معنا. قال أبو حاتم رحمه الله إن من أحسن من ما ينتفع المرء به في عمره وبعد الممات تقوى الله والعمل الصالح. انظروا هذا التنبيه أنه il a fait le tambih أن la chose la plus importante et la plus profitable pour toi, c'est la crainte d'Allah, تقوى الله, qu'on a expliqué كثيرا dans ce livre, et العمل الصالح. Et la science, c'est la mise en application. C'est ça les choses les plus importantes. Donc, à ne pas négliger, et c'est la base. Thumma, tu auras besoin de certaines choses. Min al-mubahat, travailler, manger, etc. Enfin, ces choses, alhamdulillah, tu leur donnes le temps qu'elles méritent. Ça, c'est important, ce genre de priorité. Mais celui qui fait l'inverse. Celui qui fait l'inverse, et sa priorité, ça devient le travail. Il va chercher un deuxième travail. Thumma, même s'il a deux travails, il va commencer à des affaires à droite, à gauche, téléphone, internet, et, hein, l'argent, il pensera qu'à cela. Ça devient sa priorité. Enfin, une grosse partie de sa vie, si ce n'est toute sa vie, il va la perdre dans hada. Et peut-être qu'il n'aura pas le temps de faire une raka'a, un sujoud, lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wal wajib ala al-aqil an ya'mal fi shababihi fi ma yuqim bihi awadah. Ce qu'il a besoin. Il a tout résumé avec cette phrase. Tu as besoin d'argent pour des choses essentielles de la vie de tous les jours. Manger, te loger, te vêtir, tu as besoin de te soigner, alhamdulillah, tu as besoin d'un peu d'argent dans ces choses. Et kadhalik, l'argent, tu peux l'utiliser pour l'au-delà. Donc l'argent, c'est pour ça. Imma, une haja que tout le monde a, manger, etc. Imma, tu l'utilises, fi sabilillah. Alhamdulillah, tu seras à la khair azim. Tu as beaucoup d'argent ou peu, tu seras à la khair. Imma, celui qui n'a plus ce sens des choses, cette vision des choses avec l'argent, il se fera beaucoup de mal. Et Emma, il tombera dans l'extrême. Je pense qu'à Dounia. Et, yadam billah, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'issa abdu dirham, ta'issa abdu dinar. Ça deviendra peut-être un adorateur du dirham et du dinar et de l'argent. Et Emma, l'autre extrême, je fais aucun effort, je travaille pas, et soi-disant, je me consacre qu'à l'adoration comme ils font As-Soufiya At-Dullal. Et Ha'oula Imma, Kathir Minhum, c'est des voleurs, des menteurs, et ils font la manche matin, midi et soir. Enfin, le juste milieu. La hadha ou la hadha. Qala, wa yurdi bihi khaliqah, wal faqatu khayrun min al-ghina bil mal al-haram. Al-faqa, c'est la pauvreté. Al-faqa, c'est le faqr. La pauvreté, khayrun min al-ghina bil mal al-haram. Vaut mieux être pauvre, ne pas avoir beaucoup. Lakin le peu que tu as, c'est halal, que avoir énormément, et c'est haram. قال والغني الذي لا مروءة له أهون من الكلب وإن هو طوق وخلخل. أما الغني il a pas de مروءة. المروءة c'est le chapitre suivant qu'on verra inshallah. المروءة أي c'est faire le bien, s'écarter du mal. أي si الإنسان il a de l'argent لكن il n'a pas de principe, il n'a pas de دين. فهذا أهون لا مروءة له أهون من الكلب. نعم إلى il sera comme un chien ou pire fi hadhihi ad-dunya. Et ta'ammal hal al-kafara. Certains ils ont énormément d'argent, ils sont riches et ils ont aucun honneur, aucune valeur inda as-salihin. Qala rahimahullah haddathani Muhammad ibn Uthman al-Aqabi qala haddathana Imran ibn Musa ibn Ayyub qala haddathani Abi qala haddathani Isa ibn Yunus an Muhammad ibn Suqah an Muhammad ibn al-Munkadir قال نعم العون على التقوى الله الغناء. كلام جميل. نعم العون على التقوى الله أي pour te faciliter la crainte d'Allah. نعم العون أي une aide très très profitable. C'est quoi? C'est الغناء, c'est l'argent. صحيح, ça aide pour celui qui craint Allah et pour celui qui se maîtrise et qui se limite au halal. C'est bien sûr que ça facilite. Tu peux faire le hajj souvent, tu peux faire l'umra souvent, tu peux faire des sadaqat, tu peux rendre heureux tes enfants, tes parents, tes proches, tu peux aider tes frères, tu peux... Combien de khir? Tu peux faire une sadaqa jariya, creuser un puits, construire un masjid, etc. Comme min khir tu peux faire, et ce khir, il te sera profitable fi dunya et fi al-akhira, bien sûr si al-muslim il est sincère. Qala rahimahullah وحدثني محمد بن المهاجر قال حدثنا أبو أحمد ابن حماد البربري عن سليمان ابن أبي الشيخ قال حدثنا الزبير قال مر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بمحمد بن مسلمة وهو يغرس وديا الودي بفتح الواو وكسر الدال وياء مشددة دونك سعدون الودي صغار النخل. Eh, نعم. Ça ressemble au mot qu'on a vu dans le cours précédent. صغار النخل. Dans le cours précédent, c'était pas الودي. صغار النخل. Si on le retrouve. نعم. صغار النخل الفسيل. Dans le cours précédent. Donc c'est des synonymes. لأن من غرس فسيلا. Donc le فسيل c'est صغار النخل. وهكذا الودي c'est صغار النخل. Et un petit palmier. Donc Omar radiyallahu ta'ala anhu, il est passé devant Muhammad ibn Maslama, il est en train de planter une graine. Il y a un petit palmier. Yaghris wadiya, n'am, il plantait plutôt un petit palmier, pas la graine. Faqala ma tasna' ya ibn Maslama. Fa Omar lui a demandé qu'est-ce que tu fais? Qala ma tara. Aïe, je suis en train de faire ce que tu vois, je plante cet arbre. Astaghni 'ani an-nas kama qala sahibukum Uhayhatu ibn al-Julah. Il lui a dit, je fais ça pour ne pas avoir à demander aux autres. Un sabab, planter cet arbre, peut-être qu'il va y avoir énormément de khayr. Ça nous montre, on fait un sabab. Thumma natawakkal ala Allah. Bel, en faisant sabab, natawakkal ala Allah. Bel, avant de faire le sabab, on place déjà notre confiance en Allah Azza wa Jalla. Lakin, il faut faire le sabab. Moussa alayhi salatu wassalam, l'ulama cite souvent cet exemple, quand il était coincé, il était poursuivi par Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala qala laha idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Qu'est-ce que son bâton il allait faire face à l'océan? Rien du tout. Lakin, l'ulama yaqulun hada, c'est pour montrer qu'il faut faire les causes. Même dans cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de leur donner une issue dans l'océan, il a ordonné Moussa à qu'il frappe avec son bâton dans l'océan. Un petit sabab. Un petit sabab. Et Allah subhanahu wa ta'ala yiftah al-abwab. Qala. Donc il a cité ce vers de poésie. Istarni au mut fala yagrur kadhu nasabin min ibni ammin wala ammin wala khali. Aïe, il a cité ce vers de poésie pour montrer anna j'ai fait cette cause et anna il ne faut pas attendre des autres. Mon frère il a de l'argent, mon père il est riche, mon oncle il a une entreprise. Thumma l'insan il ne fait pas d'efforts et croit qu'ils vont lui donner. Avoulana ce qu'ils vont te donner. Et Thanyan, fais les causes. Ne compte pas sur les autres. Même s'ils te donnent. Robama, ils vont te donner un jour, deux jours, une semaine, un mois, deux mois. Thumma, l'insan, très vite, quand il donne, il donne. Ahyanan, il change de projet. Ahyanan, il ne veut plus donner. Hakada l'insan. Il change très très vite. Essaye d'avoir ta source d'argent. Min al halal, même si elle est peu. Et tu seras à la khair. قال أبو حاتم رحمه الله إن من أسعد الناس إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنته قانعا. Les deux cas il a cité. من أسعد الناس, les gens les plus heureux, pour le riche, même s'il est riche, il est عفيف. الإمام النووي رحمه الله il a expliqué c'est quoi العفاف dans شرح مسلم. قال وأما العفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة. C'est ça, العفاف. العفاف, c'est même s'il est riche, il fait attention, il s'écarte du haram. Ne dépasse pas les limites. لأن la richesse, ça pousse à dépasser les limites. كما قال الله عز وجل وأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. الإنسان لا شك أن أحيانا المال, ça peut le pousser à الطغيان. قال وفي مسكنته قانعا. Et si il n'a pas d'argent, c'est un meskin, un pauvre, فإلى القناعة. Il se suffit du peu qu'il a. Il sort à la khair azim. قال لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياة والفقر يذهب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب وكاد الفقر أن يكون كفرا. ثم هنا il a cité les méfaits de la pauvreté. La pauvreté, ça fait extrêmement de mal, ça occupe al-bal, ça occupe le cœur de la personne. قال ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا اللهم إلا أن يرزق المرء قلبا تقيا نقيا قنيعا. Avec cette précision, bien sûr. Il a cité beaucoup de points négatifs par rapport à la pauvreté. لكن هذا c'est pour celui qui patiente pas, pour celui qui ne craint pas Allah عز وجل. La pauvreté, c'est très très dur pour celui qui pense qu'à Dounia. C'est pour ça que certains riches, ils ont connu la pauvreté bad. Ils ont été ruinés à cause d'une affaire de justice, à cause d'un vol, à cause de d'un problème de santé. Ils ont mis fin à leur jour. La pauvreté, c'est très très dur après la richesse. Celui qui ne craint pas Allah. Amma, celui qui a un qalb naqi et taqi, et il est qanou'an, il se suffit de ce que Allah lui a donné, il accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur il est pur, il espère l'au-delà, le bas monde, c'est pas son objectif premier. Fahada, s'il est touché par la pauvreté, alhamdulillah, il fera d'autres choses que le riche il peut faire, lui il ne peut pas faire, lui il fera d'autres choses. Qala yara al-thawab al-muddakhar من الذجر الشديد فحينئذ لا يبالي بالعالم بأسرهم والدنيا وما فيها والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة. نعم, celui qui a ce cœur qu'il a cité, فهذا tellement qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, فلا يبالي بالعالم. نعم, il regardera pas les autres, il sait que ce qu'Allah lui a donné c'est cette chose, et il vit au jour le jour, et il fait les causes qu'il peut, et il attend. Il attend al-faraj min Allah. Imma Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes fait dunya, imma il ouvre les portes fait l'akhira, il meurt. Une des deux. Et alhamdulillah, il se sentira très très bien. Qala rahimahullah anshadani al-aqabi, qala anshadani Muhammad ibn Khalaf al-Taymi bil-Kufa. Wa inna muqillan, wa inna muqillan hina yabdu li hajatin ila kulli man yalqa min al-nas mudnibu. Ça, c'est un défaut. On a celui qui a des manquements et il interpelle tout le monde. J'ai des dettes, il me manque ça, j'ai pas assez. Ça, c'est une cause de rabaissement. Tu as des manquements, tu as des besoins, fais les efforts. Demande Allah Azza wa Jalla Oulan et fais les causes comme tout le monde. قال وكانوا بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبا. كلام جميل. Ça montre à Nabar Zennas, il donne de l'importance aux autres que par rapport à Dunya, que par rapport à l'argent. Quand tu as une situation, tu as de l'argent, ils diront tous marhaba. Khas, attends les proches. Il y en a les proches, ils savent qu'ils peuvent avoir accès à ce que tu as. On parle les proches qui, qui ont des faiblesses dans leur foi. Il a les proches qui sont à la khair. Alhamdulillah, ils sont heureux que tu réussisses et ils font du'a pour toi. Lakin al-ba'd, ils ont un tama dans le cœur. Wa kana banu ammi yaqulun marhaba. Quand il avait, enfin, ses proches, ses cousins, ils lui disaient marhaba. Ils savent que Obama, ils vont sortir, il va les inviter, la voiture, etc. Falamma ra'awni mu'diman. Quand ils ont su que je n'avais plus rien, mata marhabu. Le fait de dire marhaba, c'est mort. Il n'y a plus. Ils ont arrêté. Pourquoi? Il n'y a plus de profit avec hadal insan. On fait attention. Nos liens, ça doit être fillah. On doit aimer la personne par rapport à sa crainte d'Allah Azza wa Jal, pas par rapport à l'argent. Combien de personnes, ils ont de l'argent, Allah, ils ne méritent même pas que tu lui passes le salam. Minal kafara al-mujrimin. Ou comme minal nas, ils ont pas grand chose, et barbouhum, ils ont presque rien. Et c'est mina awliya illah as-salihin. Donc al-mizan, c'est pas l'argent, abadan. Al-mizan, c'est taqwallah. Inna akramakum indallah atqakum. Celui qui a le plus haut rang indallah, c'est celui qui craint le plus Allah, pas le plus riche, abadan. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العمي ببغداد قال حدثنا السلط بن مسعود قال حدثنا حماد بن زياد قال حدثنا أيوب قال لأبو قلابة ألزم السوق فإن الغنى من العافية. قال أبو حاتم ليس خلة هي للغنى مدح إلا وهي للفقير عيب. هذا الأثر ألزم السوق plutôt. هذا c'est le fait de faire les causes halal et pour éviter de dépendre des autres. Fali hada qala fa inna al-ghina min al-afiya. Tu seras fi afiya ay li'anna al-ba'd si idan ils imposent. Et le ba'd idan ils mettent de la pression et l'insan rubama yad'uf et il n'a pas d'argent et peut-être qu'il compte sur un tel ou un tel et ça va l'affaiblir dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on doit craindre Allah azza wa jalla. Et si tu as besoin d'argent, fa fais les causes. C'est une cause de afia pour que tu sois préservé bi'idnillah. Qala wa sharru al-mal maktusiba min hayth la yahil wa unfiqa fi ma la yajmul. Ça c'est sharru al-mal. Le pire, l'argent le plus mauvais, le moins profitable, très très néfaste pour l'insan, c'est al-mal alladhi iktusiba min al-haram, mimma la yahil. قال وانفق فيما لا يجمل. نعم بعضهم ils ont de l'argent, ils l'ont acquis plutôt d'une façon haram et كذلك ils le dépensent dans des choses haram ou futiles. قال ووجوده وعدمه ليس بتجلد ولا بكثرة حيلة ولكنه اقسام ومواهب من الخلاق العليم. Et ça c'est une aqida qu'on doit tous avoir. كما قال عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Certains sont riches, certains sont moins riches, certains sont pauvres, certains sont énormément pauvres, certains sont riches, ثم ils deviennent pauvres, d'autres ils sont pauvres, ثم ils deviennent riches. Tout ça c'est من تقسيم الله عز وجل للأرزاق. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et القناعه c'est très très important. On l'a vu dans ce livre. Al-Qana'a, tu te suffis de ce que Allah t'a donné. Et kadalik, l'objectif. La priorité, c'est l'akhira. Si tu as dans cette dunya, alhamdulillah, c'est une ni'ma, profites-en pour le khair. Si tu n'as pas et tu as fait les causes, patiente, et ça passera. Et le mu'min, il espère al-jannah. Allati fiha ma la'aynun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Dans le jannah, il y a tout ce que tu veux et tout ce que tu voudras. Et des choses que tu n'as même pas imaginées. قال أبو حاتم رحمه الله إن شر المال ما لا يخرج منه حقوقه وإن شر منه ما أخذ من غير حله. نعم هذا تقدم. كذلك من المال كيف beaucoup de mal et c'est insan il aura des comptes à rendre يوم القيامة. لا تزال أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. Chaque être humain يوم القيامة il sera interrogé sur quatre choses. Parmi ces choses, fimali min ayn iktasaba wa min ayn iktasaba wa fima anfaqa. L'argent, comment tu l'as gagné? Est-ce que c'est min halal am haram? Et tu l'as dépensé dans quoi? Donc l'argent, c'est une énorme responsabilité. C'est que pour manger, que tu auras des comptes à rendre sur chaque centime, Akhil Karim. Donc fais attention, min ayn taktasib hada al mal. Fais attention comment tu gagnes cet argent. Est-ce que c'est fil halal ou fil haram? Ou le halal bayin ou le haram bayin. Le halal, il est clair, le haram, il est clair. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa baynahuma umurun mujtabihat. Tu te retrouveras dans plusieurs situations où tu auras des doutes. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. Si tu t'écartes des choubahs, tu vas préserver ton honneur, tu vas préserver ton din. Et كذلك tu seras préservé au Qiyam. On doit faire attention. Il y en a envie à une époque, il y a beaucoup de choubahs dans l'argent, dans certaines professions, dans certains domaines. Tu as des doutes, écarte-toi et fais un travail halal, wadih, clair. قال رحمه الله ولا يجب للعاقل أن يعتمد على مجاورة نعم الله عنده فلا يقضي منها حقوقها لأن من أساء مجاورة نعم الله أساءت مجاورته وتحولت عنه إلى غيره. هذا كلام جميل جدا رحمه الله. On va conclure le درس avec هذا الكلام. L'argent c'est une نعمة. كم من الناس ils n'ont pas ce que tu as. Fahmadillahi subhanahu wa ta'ala. Sois reconnaissant. Et la reconnaissance, ça doit être avec le cœur, la langue et les membres. Enfin, ton cœur, tu es reconnaissant que c'est Allah qui t'a donné. Toutes les autres choses, c'est des causes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala al-Razzaq. Dhul quwwatil matin. Azza wa jil. Donc tu dois être reconnaissant avec ton cœur, avec ta langue et avec tes membres. Donner le haq de hadha al-mal. Ne pas oublier ceux qui n'ont pas. خاصةً الأبليغاتوار الزكاة وكذلك أخرى من الأبليغاتوار والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم بين un point très très important. قال لأن من أساء مجاورة نعم الله. Il a donné l'exemple. النعمة c'est comme un voisin. النعمة n'importe quelle نعمة c'est comme un voisin. Que ce soit l'argent, que ce soit la science, que ce soit l'islam, que ce soit le bon comportement, n'importe quelle نعمة. C'est comme un voisin. Si tu te comportes mal avec ton voisin, qu'est-ce qu'il risque de faire ce voisin? Il risque de partir. Un voisin dont il n'est pas à l'abri de ton mal, à tout moment il peut partir, c'est normal. Hakadha an-ni'ma. An-ni'ma c'est comme un voisin. Si on n'en prend pas soin, si on fait du mal, cette ni'ma on lui donne pas son haq, peut-être que cette ni'ma, elle peut partir. Et Allah, il la donne à un autre. Ça, c'est mou'idhatun baligha de cet imam. Et c'est un rappel pour chacun de nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des efforts pour être reconnaissant envers An-Ni'am. Que ce soit l'ilm, que ce soit l'islam, que ce soit l'argent, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'aluhu azza wa jal an yu'inana ala ibadatihi wa dhikrihi وشكره وحسن عبادته. ثم قال نعم بوليغ لي ديرني فير دو بويزي فيها فوائد طيبه. قال حدثنا عمرو ابن محمد قال حدثنا الغلابي قال انشدني مهدي ابن سابق ورب مملك مالا كثيرا ولكن حظه منه قليل. فاسي اون ديرني موعظه ان ديرني رابل. Toujours pour te montrer les priorités. Et que ce mal, cet argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est une cause parmi les causes. Enfin, il a cité le cas d'une catégorie de personnes qui est répandue jusqu'à aujourd'hui. Certains, ils ont énormément d'argent. Mais ils n'en profitent pas. Pourquoi ? له منه الذي يحيى به بعيشته وسائره فضول. Certains, ils ont gagné de l'argent. لكن ما وفقوا, ils ne savent pas utiliser cet argent. Ils sont touchés par la maladie de l'bukhl, l'avarice. Et ils gardent, ils mettent de côté. كأنهم, ils vont pas mourir. Alors que certains, ils n'ont pas fait le hajj. Certains, ils ne sortent pas la zakat. Et ils mettent de côté, ils atteignent des milliers, des millions. Ils ont des proches dans le besoin. Des proches qui n'ont pas de quoi finir le mois. Et là, ils mettent de côté. Et le haqiqa, c'est le shaitan. Pourquoi? قال ولكن حظه منه قليل. À la fin, il ne gagne rien. Pourquoi? Il y en a, il met de côté, il met de côté. Thomas, c'est un autre qui en profite. Du jour au lendemain, il meurt. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Certains, ils vont se précipiter, ils vont partager cet argent en une heure. Et certains, ils vont le dépenser en une heure. Et c'est fini. فَلِهَذَا قَالْ وَقَدْ سَلَتْ بِهِ فِيهِ سُيُولُ. Il a fait énormément d'efforts pour cela. قال له منه الذي يحيى به. Il a profité de ce qu'il a utilisé. Et tout le reste, probablement des millions. قال والسائره فضول. Et le reste, c'est pour les autres. فَكَأَنَّهُ الْمِسْكِينِ. Il a rassemblé cet argent pour les autres. Probablement ses enfants, ils ne vont pas faire une sadaqa pour lui. Peut-être, si c'est des enfants qui n'ont pas été élevés à la sunna ou al-khayr, peut-être qu'ils ne penseront même pas à ça. Il va penser à acheter une voiture, l'autre une maison, l'autre à voyager. Et puis, المال يذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي. L'être humain pense souvent à son argent. مالي مالي. فقال مالي مالي. فيقال له وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. الحديث اللي في صحيح مسلم. L'être humain, il dit souvent, Yamali, mon argent. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et de cet argent, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as mangé, c'est parti. Les vêtements que tu as achetés, kadalik, ils vont s'user, ils vont disparaître. Et la sadaqa, le bien que tu as fait avec cet argent, tu le trouveras, yom al-qiyama, rien d'autre. Mais ceux qui mettent de côté, ils mettent de côté, pourquoi? Ah non, ils mettent de côté, s'il meurt, il va le prendre avec lui. Là, ça ne veut pas dire qu'on laisse rien à nos enfants. Là, hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il est connu. Al-thuluth wa al-thuluth kathir. Donc on doit laisser une partie à nos enfants. Lakin hadha al-bukhl, et mettre de côté qu'anna l'insan, il va pas mourir. Ma'a annahu, il a des manquements dans robama, un pilier de l'islam comme le hadith, il l'a pas fait. Hadha, c'est une musiba. On peut finir ce chapitre avec adrar al-mal al-haram. En résumé, al-mal al-haram. Ibn Hibban rahimahullah qala sharrul mal, c'est très très néfaste. Pourquoi? Awalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé comme dans Sahih al-Bukhari, hadith Abi Huraira radiyallahu an, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun la yubali al-mar bima akhadha al-mal. Viendra une époque, les gens ils ne feront plus attention. Est-ce que cet argent il est halal ou haram? Qala amin halal am min haram. C'est cette période qu'on vit. Pardonnez, s'il faut rien qui rentre de l'argent. Tu peux lui montrer, Anna, cet argent, c'est une énorme kebira, c'est un grand péché. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, la conférence sur riba. La yubali. L'essentiel, c'est qu'il possède. Halal ou haram, c'est pas son souci. Alors que, fil haram, il y a énormément de méfaits. Parmi les méfaits, adam qaboul et du'a. En Allah Azza wa Jal, il ne répond pas au du'a de celui qui mange du haram. Comme جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا الطيب ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité l'exemple de cet homme. Vous avez remarqué que cet homme il a rempli beaucoup de causes pour que son dua il soit exaucé. Parmi les causes, انه il est en voyage. Ash'ath aghbar, il est dans cette situation difficile, poussiéreux. Yamud yadayhi ila as-sama', kadhalik, c'est une cause, il lève les mains, c'est une cause pour que le dua soit exaucé. Lakin, malgré ces causes, son dua n'est pas exaucé. Pourquoi? Qal wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram. Vêtements, nourriture, c'est min al haram. Qal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa anna yustajabu li dhalik. Comment que son dua va être exaucé à هذا? Ça nous montre que le haram c'est une cause pour que le dua ne soit pas accepté. Le hadith il est sahih muslim. كذلك dans l'argent haram il n'y a pas de baraka. محق البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أي ce hadith il concerne les transactions. Quand tu achètes et wahadi vend et anta tu achètes, l'acheteur et le vendeur. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. s'ils craignent Allah, ils sont véridiques. Et si un défaut à montrer, ils le montrent, ils ne cachent rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka dans cette transaction. Pour l'acheteur et pour le vendeur. L'acheteur avec ce produit aura de la baraka et le vendeur avec l'argent. Qala wa in katama wa kadhaba. S'ils ne craignent pas Allah et ils mentent. Et maintenant, il y a un défaut et l'acheteur, ou plutôt le vendeur, il le cache. Qala wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Vu que c'est du haram, le mensonge c'est haram, cette transaction elle devient haram, il n'y a plus de baraka. Le hadith il est sahih al-Bukhari et sahih muslim. On peut citer le hadith qu'on a cité كذلك dans la conférence sur al-riba, hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ali Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma ahadun akthar min al-riba illa kana aqibatu amrihi ila qilla. Ne pas croire que al-haram c'est du plus. Ceux qui font de l'argent haram, al-haqiqa ils font que s'appauvrir. Enfin, ceux qui utilisent, qui mangent riba, illa kana aqibatu amrihi qilla, à la fin il ne possédera plus grand chose. Hada, c'est beaucoup de gens ils l'ont vu. Fi man yata'amal bil riba, ils ont acheté des maisons, des voitures, etc., et à la fin ils ont plus grand chose. S'ils regrettent et ils font tawba, alhamdulillah. Wa illa la maison, rubama il y a un problème, rubama un divorce, une affaire de tribunal, la voiture un accident, et comme il m'en sort. Il y en a l'argent, haram, ça ne paye pas. Ce qui est utile, c'est al-halal. On peut citer كذلك pour finir, al-khasara yawm al-qiyam, des comptes et des regrets yawm al-qiyam, al-khasara wa al-nadam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, ya Ka'b ibn Ujra, innahu la yadkhul al-jannah lahmun nabata min suhd. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ka'b, ya Ka'b, sache que ne rentrera pas au paradis l'ahmoun, une partie du corps, un morceau de chair, nabata min suhd, la cause c'est quoi? C'est al-haram. Il mange du haram, et il grandit comme ça, il prend du poids comme ça, il vieillit comme ça. Hatta ce corps, il a été nourri min al-haram. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhul al-jannah lahmun nabata min suhd. النار أولى به أي ce morceau de chair, ce corps, il mérite un nar. Même ce mu'min, c'est un mu'min, normalement c'est une cause si Allah ne lui pardonne pas, pour qu'il rentre fi nar et son corps il se purifie min hada al-haram avant de rentrer fi al-jannah. Enfin, on fait attention, al-hadar, al-mal, al-haram, il y a beaucoup de méfaits, beaucoup de masa'ib fi dunya wal-akhira, wa alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.